Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne d'RKS. Aujourd'hui, la radio part hors de ses murs, à la rencontre des résidents de l'EHPAD du Bois d'Arthas à Grenoble. Et on va lire pas mal de choses aujourd'hui puisque l'émission s'intitule justement La Lecture. Et vous, je suis avec Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ils sont 8 résidents de l'EHPAD. Donc comme chaque année, ils sont tous ravis de venir. Ils étaient, quand je leur ai parlé donc, du projet de la lecture commune donc, du vendredi 6 juin, ils ont été très enchantés et ils voulaient tous venir. Voilà, donc ils ont bien répété. Donc ils ont choisi plein de poésies, de poèmes sur les petits insectes. Exactement, merci beaucoup Marie-Thérèse pour ce rappel, puisque effectivement la première des thématiques qu'on va aborder, ce sont les insectes. Et pour ça, on accueille Daniel sur notre plateau. Bonjour Daniel. Bonjour. La sauterelle. Saute, saute, sauterelle, car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, nous dit-elle, du lundi au samedi. Saute, saute, sauterelle à travers le quartier. Saute donc, mademoiselle, puisque c'est votre métier. Robert Desnos. Bravo Daniel, un grand bravo en plus, j'adore ce poème de Robert Desnos. On va passer maintenant à une autre résidente, cette fois-ci c'est Véronique. Véronique qui va nous conter les deux scarabées. Bonjour Véronique. Bonjour monsieur. Les deux scarabées. Un scarabée montait la rue, un scarabée descendait. Passez donc monsieur s'il vous plaît, puisque vous descendez de la rue. Après vous monsieur s'il vous plaît, la remontée est plus ardue. Chacun tenant son chapeau gris dans une main gantée de gris. Voulez-vous être le plus poli des scarabées nés dans la dune? Ils s'étaient croisés à midi, à minuit, madame la lune. Les yeux encore se souriant, se parlant et se saluant. Chacun tenant son chapeau gris dans une main gantée de gris. Maurice Carême. Bravo Véronique, un joli texte, c'est vrai, de Maurice Carême. On va accueillir sur le plateau Giovanna qui va nous présenter les abeilles tout de suite. Les abeilles, on a assez de rester bien au chaud dans les ruches à rationner, à faire les ruches, les cruches. C'est le printemps, on va aller voir les prés les plus près. On a assez de rester comme des cloches. Ça nous rend bêtes, ça nous rend moches, c'est le printemps. On va aller chanter dans le champ. Bravo Giovanna et merci pour ce texte. On va accueillir maintenant Mohamed. Mohamed, eh bien, il va nous présenter le texte La Puce tout de suite. La Puce. Une puce prit le chien pour aller de la ville au hameau voisin à la station du marronnier. Elle descendit. Vos papiers, dit l'âne, coiffé d'un képi, j'en ai pas, alors que faites-vous ici? Je suis infirmière et je fais des épicures à domicile. Elle est excellente cette chute, merci beaucoup Mohamed pour ce texte. D'ici quelques instants, il s'installe sur notre plateau, on va accueillir Pierre. Pierre va nous parler d'un autre insecte, on l'écoute. Que le monde est petit, pour traverser le ciel, je n'ai pas besoin d'elle. Ou aller sur la mer, pas besoin de steamer. Quand je saute mon rêve et que les routes sont brèves, que le monde est petit, ce n'est pas moi qui parle, mais bien une fourmi, traînant un bras de paille aux abords de son nid. Maurice Carême. Encore un joli texte de Maurice Carême. Pierre a un deuxième texte, d'ailleurs à nous présenter sur les ondes d'RKS. On vous écoute, Pierre. Les mouches. Les mouches d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les mouches d'autrefois. Elles sont moins gaies, plus lourdes, plus majestueuses, plus graves, plus conscientes de leur rareté. Elles se savent menacées de génocide. Dans mon enfance, elles allaient se coller joyeusement par centaines, par milliers peut-être, sur du papier fin pour les tuer. Elles allaient s'enfermer par centaines, par milliers peut-être, par des bouteilles de forme spéciale. Elle patinait, piétinait, trépassait par centaines, par milliers, et peut-être elle foisonnait. Elle vivait maintenant, elle surveille leur démarche. Les mouches d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les mouches d'autrefois. Raymond Queneau. Raymond Queneau pour ce deuxième texte intitulé « Les mouches ». On va retrouver Françoise tout de suite pour un nourveau texte. Fourmis, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un chat plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et japonais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas ? Robert Desnos. Bravo et merci beaucoup Françoise, un nouveau texte hein, de Robert Desnos. Eh bien cette fois-ci ça va vous parler hein, parce que le prochain texte c'est de nouveau Véronique qu'on va retrouver sur le plateau et c'est une fable de La Fontaine. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine sur la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant, Jean de La Fontaine. Bravo Véronique. Effectivement, La cigale et la fourmi, une fable de Jean de La Fontaine, hein, qu'on connaît toutes et tous, un grand classique. D'ici quelques instants, eh bien, on va partir du côté des papillons. Mais on rappelle hein, que RKS est aujourd'hui hors les murs. Nous sommes avec les résidents de l'EHPAD du Bois d'Arthas à Grenoble. Et on est ici dans le cadre de l'émission La Lecture. Et vous, c'est pour cela que vous entendez plein de jolis poèmes. Et on va continuer, évidemment, avec ce magnifique texte qui est Le Papillon. Né au pays de la soie fine, dans un cocon venu de Chine, l'Orient est peint sur ses ailes. Jaune ou bleu, vert ou vermeil, il vole, il va, il vit sa vie, à petits battements ravis, dans l'air doux comme un éventail. On le voit, on ne le voit plus, il est ici, il est là, ou bien c'est un nouveau venu, son jumeau qui passe là-bas. Ah, mettez au clou vos filets, jetez épingles et bouchons, laissez-le libre car il est la poésie, le papillon. Marc Alwin. Merci beaucoup Louise pour ce texte. Et je crois d'ailleurs que vous en avez un deuxième à nous présenter. Allez, c'est parti. Alors, le lézard. Lézard des rochers, lézard des murailles, lézard des semailles, lézard des clochers. Tu tires la langue, tu clines des yeux, tu remues la queue, tu roules, tu tangues. Lézard bleu diamant, violet reine Claude et vert d'émeraude, lézard d'agrément. Robert Desnos. Le lézard, un magnifique texte. On retrouve sur notre plateau Marie-Thérèse, qui est aide-soignante hein, ici à l'EHPAD du Bois d'Arthas à Grenoble. Marie-Thérèse, on peut voir justement qu'ils ont pris à cœur hein, quand même cet atelier. Oui, et vous savez qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à venir chaque année donc à ce rendez-vous. Et surtout qu'ils aiment beaucoup voir aussi les enfants. Ils sont très touchés et très émus quand ils voient des enfants. D'ailleurs, mardi, on avait une rencontre avec les résidents de la moyenne et grande section avec Céline. Et c'était une très belle rencontre. Voilà. Et oui, merci beaucoup Marie-Thérèse, c'est un projet effectivement intergénérationnel. D'ici quelques instants, on va se retrouver justement avec les enfants pour cette deuxième partie d'émission. Vous écoutez Radio RKS, merci d'être avec nous. On rappelle que la radio sort aujourd'hui, hein, en tout cas de ses murs, à la rencontre des résidents de l'EHPAD du Bois d'Arthas à Grenoble. RKS, l'esprit grenoblois.